Chapitre 14e. Réunion. Ce fut vers ce temps-là une grande consolation pour Marguerite de voir que sa mère lui témoignait plus de tendresse qu'elle ne l'avait fait depuis bien des années, et qu'elle lui donnait enfin la place que Dixon avait occupée si longtemps auprès d'elle. Marguerite prit la peine de s'acquitter elle-même de tous les soins qu'exigeait l'état de sa mère et que lui imposait la confiance qu'elle avait été si jalouse d'obtenir, soins nombreux et souvent futiles, dont l'idée ne lui serait pas même venue à l'esprit, et dont elle s'acquittait néanmoins avec ardeur, comme l'éléphant qui n'aperçoit pas l'épingle qui est à ses pieds, et qui toutefois la ramasse soigneusement au moindre signe de son gardien. Mais une récompense prochaine attendait Marguerite. Un soir que son mari était absent, Mrs. Hale fit tomber l'entretien sur un sujet qui intéressait vivement sa fille, et que celle-ci osait d'autant moins aborder qu'il lui tenait plus au cœur. « Oh, Marguerite !» lui dit sa mère. « Quel vent il a fait cette nuit ! Je n'ai pas pu dormir, tant l'ouragan était fort. Je ne peux jamais quand le vent souffle avec autant de furie. C'est une habitude que j'ai prise à l'époque où Frédéric était sur mer, et même à présent, si je ne m'éveille pas tout de suite, je rêve qu'il est assailli par la tempête, que de grandes vagues transparentes entourent son vaisseau, dépasse les mâts et retombe sur le pont, qu'elle couvre d'écume en sifflant comme un serpent gigantesque. C'est un rêve que j'ai fait 100 fois, qui revient toutes les nuits où le vent souffle avec force, et qui se prolonge jusqu'au moment où la douleur me réveille, et où, glacé d'effroi, je remercie Dieu en voyant que ce n'est qu'un songe. Pauvre Frédéric, il n'est plus sur mer aujourd'hui et n'a plus rien à craindre du vent. Où est-il à présent ? Les lettres que nous lui envoyons sont adressées à Messieurs Barbour, à Cadix. Mais est-ce là qu'il demeure? Je ne me rappelle pas le nom de l'endroit qu'il habite. Il a changé de nom et porte celui de Dickinson. Ne l'oublie pas, Marguerite. J'aurais voulu qu'on l'appelât Bursford. Il y avait des droits. Mais ton père a craint que ce ne fût dangereux. On aurait pu le reconnaître. J'étais chez ma tante lorsque tout cela est arrivé, dit Marguerite. J'étais d'ailleurs trop jeune pour en savoir les détails. Mais j'aimerais tant à les connaître si cela ne vous était pas trop pénible d'en parler. Pénible, non, répondit Mrs. Hale, dont les joues se colorèrent. Il est cependant bien triste de penser que je ne le reverrai peut-être jamais. Il a bien agi, Marguerite. On peut dire tout ce qu'on voudra, mais je peux montrer ses lettres. Et j'ai plus de confiance en mon fils que dans toutes les cours martiales de la terre. Va ouvrir mon petit meuble de lac. Tu trouveras un paquet de lettres dans le second tiroir à gauche. Ces lettres, jaunies et tachées par la mer, avaient l'odeur particulière de celles qui ont franchi l'océan. Mrs. Hale dénoua d'une main tremblante le ruban de soie qui s'attachait et les donna à sa fille après en avoir examiné la date. Tu vois, Marguerite, combien tout d'abord le capitaine Reid fut injuste pour lui, dit Mrs. Hale, interrompant la lecture de sa fille, avant même que Marguerite pût comprendre ses remarques. Il était lieutenant en second sur l'Orion, le vaisseau sur lequel Frédéric fit son premier voyage. Pauvre enfant ! Qu'il était bien dans son uniforme de midshipman, avec son poignard dont il se servait comme d'un couteau à papier pour ouvrir les journaux. Tu vois donc que ce Mr. Reid éprouva tout d'abord une antipathie marquée pour ce pauvre Frédéric. Mais attends. Voici les lettres qu'il écrivit à bord du Russell, où il retrouva son ancien ennemi capitaine commandant. Avec quelle patience il supporta la tyrannie de cet homme. Regarde, c'est bien cette lettre-là où il dit à son père « Tiens, Marguerite, ici. Vous pouvez être sûr que je supporterai avec calme tout ce qu'un officier et un gentleman peut accepter de son chef. Mais, d'après la connaissance que j'ai de mon capitaine, j'avoue que je regarde avec une certaine appréhension l'avenir qui m'est réservé à bord du Russell. Tu le vois, Marguerite, il a promis de tout supporter avec calme, et je suis sûr qu'il a tenu sa promesse. D'ailleurs, c'était bien l'enfant le plus doux qu'on peut voir quand on ne l'irritait pas. Est-ce la lettre où il parle de la colère du capitaine Reid, parce que l'équipage ne manœuvrait pas aussi rapidement que celui du Vengeur? Tu vois qu'ils avaient beaucoup d'hommes nouveaux à bord du Russell, tandis que le Vengeur était resté près de 3 années en station, n'ayant autre chose à faire que de poursuivre les négriers et de faire manœuvrer ses hommes, qui devaient nécessairement finir par grimper au cordage comme des singes ou des rats. Marguerite eut beaucoup de peine à déchiffrer cette lettre, dont l'écriture était presque effacée. Il y était question des violences du capitaine Reid, probablement exagérées par le narrateur, qui écrivait sous l'impression d'une scène récente. Quelques matelots se trouvaient dans les huniers du grand mât. Le capitaine leur ordonna de descendre, en menaçant du martinet celui qui arriverait le dernier. Le malheureux qui était à l'extrémité de la barre, se voyant dans l'impossibilité de passer devant ses camarades et redoutant par-dessus tout la honte du châtiment qui l'attendait, s'élança d'un bond désespéré afin de saisir une corde placée beaucoup plus bas. Mais il était tombé sur le pont, d'où on l'avait relevé sans connaissance. Il avait rendu le dernier soupir quelques instants après, et l'indignation de l'équipage était à son comble au moment où le jeune Hale écrivait à sa mère. Il y avait longtemps que la nouvelle de la révolte nous était parvenue, lorsque cette lettre nous arriva, des Mrs. Hale. Pauvre Frédéric. Il s'était soulagé le cœur en nous écrivant ces lignes, sans même savoir comment il pourrait les envoyer. Nous avions donc appris par les journaux, bien longtemps avant d'avoir reçu cette lettre, qu'une révolte épouvantable avait eu lieu à bord du Russell, que l'équipage s'était emparé du vaisseau, qu'il se livrait probablement à la piraterie, et que le capitaine avait été déposé dans une chaloupe avec les officiers et quelques matelots dont on donnait les noms, car ils avaient été recueillis par un bateau à vapeur américain. Oh, Marguerite, quelle ne fut pas notre douleur à ton père et à moi, car le nom de Frédéric n'était pas sur la liste. Nous pensâmes d'abord que l'on s'était trompé. Mon pauvre Fred, si brave et si loyal, un peu trop vif, mais si bon. Nous espérâmes que le nom de Carr, qui se trouvait sur la liste, avait été mis pour le sien, que c'était une faute d'impression. Les journaux sont faits avec tant de légèreté. Le lendemain, ton père se rendit à Southampton pour avoir des nouvelles. Je ne pus pas rester à la maison et j'allai à sa rencontre. Il était tard. J'étais allé bien plus loin que je ne l'avais pensé. Il n'arrivait pas, et je m'assis, pour l'attendre, à côté d'une haie. Je l'aperçus à la fin. Ses bras pendaient à ses côtés, il baissait la tête et marchait péniblement. Je le vois encore, Marguerite. « Chère maman, ne continuez pas, je comprends tout, » dit-elle en baisant les mains de sa mère. « Non, Marguerite, non. Personne ne peut savoir. C'est à peine si j'ai la force de me lever et d'aller au-devant de ton père. J'étais saisi de vertige et tous les objets tournaient autour de moi. Je le rejoignis pourtant. Il ne me dit rien. » Et ne sembla pas étonné de me voir, bien que j'eusse passé le hêtre de Oldham, qui est à 3 milles de la maison. Il me prit le bras et me caressa la main, comme pour me préparer à recevoir un grand coup. Je tremblais si fort que je ne pouvais parler. Il me serra sur son cœur, inclina sa tête sur la mienne, et laissa tomber des gémissements étouffés. La peur me rendait immobile. Je finis cependant par lui demander les nouvelles qu'il s'était procurées. Alors, par un mouvement convulsif, il me tendit un affreux journal qui appelait notre Frédéric un traître de la plus vile espèce, un infâme qui déshonorait sa profession. Oh, je ne peux pas dire les abominables termes qu'on employait pour le flétrir. Dès que j'eus fini cette horrible lecture, je déchirai cet odieux journal en 1000 pièces. Marguerite, je crois que c'est avec mes dents que je l'ai mis en morceaux. Je ne pleurais pas, j'étais sans larmes, j'avais les joues en feu et mes yeux brûlaient dans ma tête. Je vis ton père me regarder tristement. « Ils en ont menti !» lui criai-je. « C'était vrai, j'avais raison. » Quelques mois après, cette lettre nous arrive. Tu vois quelle provocation Frédéric avait reçue. Ce n'était pas ses propres injures qu'il poussait à la révolte, mais il dit au capitaine Reid ce qu'il pensait. Les choses s'envenimèrent, et la plupart des matelots se mirent avec lui. « Quand j'y pense, Marguerite, » reprit-elle, quelques minutes après, d'une voix faible et tremblante, « je me sens heureuse. Je suis plus fière de mon fils se révoltant contre un chef indigne que si je le voyais simplement bon officier en face de l'injustice. « Vous avez raison, ma mère, » dit Marguerite d'une voix ferme. « Il est bien d'obéir à un chef capable et juste, mais il est plus beau de défier un pouvoir injuste et cruel. » Quand surtout c'est pour soutenir le faible qu'on se révolte, et non pour se venger soi-même. Que je voudrais le voir avant de mourir, une seule fois, mon Dieu. C'est mon premier enfant, Marguerite. Ajouta Mrs. Hale, comme pour s'excuser auprès de sa fille du désir qu'elle avait d'embrasser Frédéric. Mais Marguerite, loin d'être jalouse, ne pensait qu'au moyen de satisfaire le vœu de sa mère. « Il y a 6 ans que tout cela est arrivé, dit-elle. Croyez-vous qu'on le poursuive encore? Et si d'ailleurs il venait se présenter devant ses juges, à quoi s'exposerait-il? Quelle serait sa condamnation? Il lui est facile de prouver jusqu'à l'évidence qu'il a été provoqué. » « Cela ne servira à rien, » répondit Mrs. Hale. Quelques-uns des matelots qui accompagnaient Frédéric furent pris et jugés par un conseil de guerre à propos de l'Amicia. Tout ce qu'ils ont dit pour leur défense était vrai, car cela cadre parfaitement avec le récit de Frédéric. Mais cela fut inutile. Et pour la première fois depuis le commencement de cet entretien, les larmes coulèrent sur les joues de Mrs. Hale. « Que leur arriva-t-il ? » demanda Marguerite, poussée, malgré elle, à cette question dont elle prévoyait la réponse. « Ils furent pendus à la Grande Vergue, » répondit Mrs. Hale d'une voix grave, et la cour, en les condamnant à mort, ajouta qu'ils s'étaient laissés entraîner hors de la ligne du devoir par un de leurs officiers. Ces paroles furent suivies d'un long silence. « Frédéric n'est-il pas resté dans l'Amérique du Sud pendant plusieurs années ? » dit enfin Marguerite. « Oui, » lui répondit sa mère. « Il est maintenant à Cadix ou dans les environs. Mais je ne le verrai plus, car s'il revenait en Angleterre, on le pendrait comme les autres. » Mrs. Hale retira sa main d'entre celles de Marguerite et se retourna vers la muraille comme pour être seule avec le souvenir de son fils. Marguerite resta immobile, absorbée dans la contemplation du désespoir de sa mère que rien ne pouvait consoler. Quand elle entendit rentrer son père, elle sortit de la chambre le cœur oppressé. Elle ne voyait aucun espoir briller à l'horizon.